18h sur FPI. Les informations, Amaya Ferratini. Paris sous tension ce soir. La manifestation silencieuse partie en début d'après-midi de la place de la République a dégénéré alors qu'elle arrivait dans le 18e arrondissement. C'est là que résident, je vous le rappelle, les parents de Naïma, cette fillette qui a trouvé la mort lundi soir dans le métro, prise dans une bagarre entre des contrôleurs et des voyageurs sans ticket. Eh bien, des casseurs se sont mêlés aux manifestants et les événements sont en train de prendre une proportion inattendue. Michel Bardu, vous suivez la manifestation pour nous depuis ce midi. Est-ce que les esprits s'échauffent ? Écoutez Amaya, si je vous décris ce qui m'entoure, vous allez rapidement comprendre que bien au contraire, la tension est à son comble ici depuis quelques heures. Au moment où je vous parle, une épaisse fumée noire a envahi la place, tout simplement parce que les casseurs ont mis le feu à des voitures et des poubelles entassées ici et là. On ne circule plus sur cette place parce que plus d'une centaine de personnes sont réunies sur la place du métro aérien et bloquent les voitures sur les boulevards Barbès, Rochechouart, La Chapelle et Magenta. Le quartier est vraiment très très très tendu ce soir et des compagnies de CRS viennent encore d'être appelées en renfort pour la nuit. En direct du métro Barbès, Michel Bardu pour FPI. Merci Michel Bardu. Un dispositif de sécurité important a en effet été mis en place dans le 18e arrondissement. Les autorités craignent en effet que la nuit n'adoucisse pas les mœurs. Le porte-parole de la préfecture, François Cassard. Après les événements déplorables et condamnables survenus aujourd'hui dans le quartier de Barbès, il importe de restaurer au plus vite la tranquillité et la prospérité de ses habitants. Et quand je dis habitants, je pense d'abord aux enfants, aux personnes âgées ainsi qu'aux commerçants qui font la vie de cet arrondissement. Force doit rester à la loi. En conséquence, 6 compagnies de CRS et 2 unités de gendarmes mobiles resteront sur place jusqu'à demain matin pour garantir...